Chapitre 13e. Confidence. Lorsque la baronne fut hors de portée de la voix, le fulminante dit à son lieutenant : Tu viens de voir une souveraine plus puissante que la reine d'Italie. Elle a dans sa main tous les bohémiens de France. Elle est au-dessus des lois. De plus, elle tient son pouvoir de l'élection. Et que veut-elle ? L'amour. Tu disais qu'elle ne venait pas pour cela. Il ne s'agit pas de moi, mais du fiancé de Fernande. Puis de l'air le plus bizarre. Croirais-tu qu'elle supposait que ce pauvre Madeo était le fulminante ? Alors son ami Carlo aurait été moi, ton lieutenant, fit le bandit, et il rit. Tu l'as détrompé, fit-il. Oui, dit le fulminante, elle n'en croit plus un mot. Oh, elle a des preuves. Te serais-tu démasqué ? Mais oui. Ils se mirent tous deux à rire. Ce qu'il y a de joli, dit le fulminante, c'est qu'elle va se grimer. Vraiment, oui. Se faire aimer d'Armand sous un autre nom, sous une autre figure. Et cet Armand est le fiancé de Fernande. Par le diable, voilà du nouveau. Tu comprends que je laissais tout dire et provoquer les confidences. De moi, elle ne sait rien. C'est une femme forte, mais la passion lui enlève ses moyens. Et ils rirent longtemps, causant ainsi, et celui qui eut entendu le fulminante eut frémi pour Armand. Dans la plaine, courant vers la ville au trot de leurs chevaux, la baronne et Yalich échangeaient leurs observations. « Est-ce le fulminante ? » demandait Yalich. « C'est lui, » répondit la comtesse. « J'ai vu son visage. Nous nous étions trompés. Le sculpteur n'est que son ami, j'en suis certaine. Enlèvera-t-il le jeune homme ? C'était son projet. Tu ne peux plus tuer la fille. Pourquoi donc ne le tuerais-je pas ? À cause de fulminante. Mais pour lui, comme pour tout le monde, elle mourra d'anémie. Le chevalier Vadi n'est-il pas là ? Jouons serré, » dit Yalich. Ils entrèrent dans un bourg, mon hôtelier attendait leur retour. Revenons au fulminante. Cher, dit-il à son lieutenant, je retourne à la grotte. Pourquoi ? Un oubli. Tu vas retourner à Naples et tu veilleras sur les amours de Madeo. Que dire à propos de monsieur de Noël ? Que faudra-t-il écrire en ton nom à la famille de ce brave homme ? Le fulminante parut frappé d'une idée subite et il dit à son lieutenant : J'avais besoin d'un prétexte, le voici. Tu écriras que je me décide à garder mon prisonnier. Parce que c'est un homme de la plus grande importance, voyageant incognito, que je l'ai appris et que je ne le rendrai que contre 6 millions, que je sais que le neveu est aussi une excellence de haute volée et que je ne lui conseille pas de se faire prendre, parce que j'exigerai 6 autres millions pour sa rançon. Tu ajouteras que si dans 2 mois la rançon n'est pas payée, le supplice de la torture commencera. Bien, dit le lieutenant. Et tous deux prirent des directions différentes.